Kan man svär med nämn. Kan man kyrka det. Köpa magika. Skatter amarat. Köpa sörene. Kömde göra tänd. Köchas. Je t'en fête, j'en suis toujours là. Je frappe et je frappe. Quelle vie, quel enfer. Je cours en Marcel. Et si je n'avance pas, je suis bon pour la carne. Je perds. Je sors de mes gonds, et comme tout s'emballe, je gratte pour s'emballe. Pas de fric, pas de pognon, je n'ai pas un rond. Je suis condamné, esclave ou crevé. Ce monde m'exaspère. Je gratte à me faire mal. Je fuis, je m'étale. Je refuse qu'il m'enterre, qu'il me foute en l'air, qu'il me fasse la morale, qu'il pille mon travail. Il faut que je me libère. Je respire, je m'aère. Dans les courants d'air, à tort, à travers, faut que je gratte la misère. Ce carcan qui m'en serre, cette cage infernale, prison sidérale, tellement ça m'énerve, tellement je suis colère. Je prends ma guitare, je gratte comme un malade, je me bats sur les nerfs, je me vide la tête, je chasse les tracas, survie, je vis.